cet univers, je le parcours obliquement depuis toujours. À tort et à travers, ici les horizons sont courts, chaque mur est par quatre tours. Et de frontières, encore m'a joué ce tour, je suis à nouveau de retour. Là où j'étais naguère, tandis que se lève le jour, j'entends les rumeurs alentour d'une autre guerre. J'éprouve un véritable amour, mais parmi cette forêt d'armure, c'est un travers. J'attends mon temps, une ouverture, pour aller au-delà des murs, des meurtrières, pour pouvoir tenter l'aventure, conquérir la reine aux postures. Si cavalière, seulement les deux dieux aux doigts courts qui se jouent de moi restent sourds à mes prières. La dame des belles me hanche, prends pour elle. La tangente glisse sur la mauvaise bande, m'assure d'une mort lente. Kamikaze, casse-coup, je tente le tout pour le coup. Je suis la diagonale du fou, je suis la diagonale du fou. La diagonale du fou, je tente le tout pour le coup. Je suis la diagonale du fou, et tout le reste, je m'en fous. De la blanche cour, la folie mon seul secours. Dans cet enfer, je sais qu'à ma perte, je cours comme mon roi dit que cet amour n'est qu'un désir pervers, qu'un appétit contre nature, qu'une pomme de discorde mûre. Que ronge vert, il ne veut pas qu'on me capture, un très très bon pour la torture. Fais les verres, et la dame des belles me hante. La tangente glisse sur la mauvaise bande, on m'assure d'une mort lente. Kamikaze, casse-cou, je tente le tout pour le coup. Je suis la diagonale du fou, la diagonale du fou. La diagonale du fou, je tente le tout pour le coup. Je suis la diagonale du fou, la diagonale du fou, la diagonale du fou, la diagonale du fou. Merci beaucoup.